Image d'Épinal, histoire de Monsieur Rallier. 1798, nuit du 4 août, abolition des privilèges. Monsieur Rallier se rallie à la Révolution française. 1804, Monsieur Rallier dit à ses électeurs: Ralliez-vous à moi et crions tous ensemble: Vive l'empereur! 1814, Mes amis, s'écrie Monsieur Rallier, je me suis trompé. Saluons le drapeau blanc et vive le roi. 1815. Acclamons Louis XVIII qui sort des fourgons de l'étranger et payez-moi le petit milliard des émigrés. 1830. Louis-Philippe d'Orléans dit qu'il représente la meilleure des républiques. Monsieur Rallier fait cause commune avec les vainqueurs de juillet. 1848. Le prince Napoléon se rallie à la République et lui prête serment de fidélité à la grande joie de Monsieur Rallier. 1852. Après le coup d'État, Monsieur Rallier suit les blouses blanches et crie de nouveau: Vive l'empereur! 1870. Pendant que Monsieur Rallier crie: À Berlin! Napoléon, à Sedan, livre son armée à la Prusse. 1872. Avant de placer un enthousiasme, Monsieur Rallier se demande d'où vient le vent. 1873. Monsieur Rallier se décide pour le gouvernement du maréchal MacMahon. 1882. Mais aussi, Monsieur Rallier conspue Gambetta, le dictateur, et Ferry le Tonkinois. 1888. Monsieur Rallier acclame le brave général Boulanger. 1898. Aujourd'hui, Monsieur Rallier crie de toutes ses forces: Vive la République! Monsieur Rallier sollicite pour lui et ses amis des honneurs et des places en attendant qu'il s'empare de la maison et jette la République par la fenêtre. Moralité, l'opinion de Monsieur Rallier est qu'il faut être toujours du côté du Manche. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art libre.